Avec les autres, on n'est jamais tranquille. C'est le barrage qui s'en va, la prise d'eau qu'une inondation emporte. Et j'oublie ceux-là qui ne peuvent marcher ni l'été ni l'hiver. L'hiver à cause de la glace, l'été à cause de la sécheresse. Ici, nul besoin de barrage ni de prise d'eau. La source suffit pour que le moulin tourne à fil, toujours tiède, toujours étale, sans jamais tarir ni geler. Cependant, le moulin, sous le flot de grains d'or tombant de la trémie, ronronnait doucement, comme s'il eût compris. Un moulin, le roi des moulins! Déjà, la confiance éclairait les yeux jusque-là indécis un peu du beau-père. Et Siffrein riait à sa belle, et la belle riait à Siffrein. Un moulin de toute saison, un vaillant moulin que rien n'arrête! Soudain, le moulin s'arrêta. Ah, mon pauvre Siffrein, où s'en va ton mariage? Voilà que la fiancée pleure et que le beau-père fronce le sourcil. C'est sans doute un simple accident, quelque chose qui sera dérangé dans la grand-roue. Mais rien, hélas, ne s'est dérangé dans la grand-roue. Secouant ses mousses, qui semblent pleurer, elle se balance encore, ruisselante. Seulement, la vanne s'égoutte, la vanne a cessé de couler. On a vu comme cela des sources disparaître sous terre subitement. Et les visages s'attristent déjà, rien qu'à l'idée du malheur irréparable.